marquage au sol délimite une bande cyclable. Cette voie est réservée aux cyclistes. Je ne suis pas autorisé à l'utiliser pour m'arrêter ou pour stationner. D'une manière générale, cette interdiction s'applique à tous les endroits ou emplacements qui sont réservés à une autre catégorie bien précise d'usagers. Réponse B et D.